Bonsoir, bienvenue à Terre Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif, quoi d'autre. Ce soir, Michel et Bruno, on est avec vous jusqu'à minuit et on a pas mal de bon matériel à vous faire entendre. Excusez, Bruno rigole parce que je reprends mon souffle. Ça a été comme un petit peu compliqué de trouver du stationnement ce soir et puis je suis comme à 5 rues de la station et puis je pense que j'ai couru un petit peu pour ne pas arriver en retard. Au grand soulagement de Bruno, d'ailleurs. On va commencer sans plus tarder avec une nouveauté. En fait, c'est même plus qu'une nouveauté. C'est un avant-goût d'un album qui va paraître au mois d'août. Le groupe, c'est Carsius. Et l'album The Fold. Je vous en parle parce que on va présenter un concert lancement de Carsius le 23 septembre au Centre d'art de la Chapelle. Les billets sont déjà en vente sur Billettech et devrait l'être lundi au Centre d'art de la Chapelle. Donc, un concert lancement, et puis ben, je vais vous en reparler. On va commencer par écouter un extrait. C'est la toute première fois que ça joue en onde. Donc, un premier extrait de Fold. Non, oui, c'est ça, exactement, oui. Il faut que je retrouve moi. et puis, ben, il y aura bien d'autres choses, évidemment. Je vais vous en reparler au retour. Ça va me permettre de reprendre mon souffle. Allez, vas-y, Bruno. Take our bones, now take our breath. We turn to stone, to wait sanity and finally he wakes up from his horrible dream. My heart needs a drastic change of scenery. Unplug me from this horrid truth and twisted place. I don't speak enough of what is killing me. Been eating me alive. lights out. Thank you. It's 5 a.m. on the Queen's Road. Silent as the grave. No one is out. It's much too cold for violence or decay. Left to say. 89.1. Le Grand Bazar des Ruelles et Limoilou en musique s'unissent pour célébrer leurs 10 éditions respectives. Du 8 au 10 juin prochain, venez fêter dans le quartier avec la réunion de deux événements phares qui feront courir les foules. Fred Fortin, Marjo, Horloge Simard, Larry Kidd, Fouki et plusieurs autres. Découvrez le plus grand bazar citoyen de Québec. Plus de 300 tables attendues. Vente, échange entre voisins, barbecue, zone artisan et troubadour animeront le Vieux Limoilou le 9 et 10 juin de 9h à 16h. Une présentation de Limoilou en vrac en collaboration avec la Fête des voisins et Jour de cirque. Programmation sur monlimoilou.com et limoilouenvrac.com. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Et de retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. La dernière pièce qu'on a écoutée, c'était une nouveauté. Ben, en fait, nouveauté, c'est pas encore sorti tout à fait. Ça s'en vient. Je pense que c'est en juillet. Ça s'appelle Galasphere 347, un groupe scandinavo-britannique avec un membre de White Willow, ou peut-être même deux, je dirais, Ketil, ouais, c'est ça, Ketil Westrum-Enersen et Jakob Holm-Lupo. Et à la batterie, Mathias Olsen, l'ex-Anglagard qui travaille sur 3 millions de projets en même temps. Et comme chanteur claviériste, bon, Stephen Bennett du groupe No Man. Dans le groupe, il se contente des claviers, là, mais il chante sur ce disque. On peut quasiment parler d'un super groupe, entre guillemets. Et c'était la pièce The Voice of Beauty. C'est un disque seulement constitué de 3 pièces. Vous devinez que les 2 autres sont encore plus longues. Et avant, on avait Ravensad. Ça nous vient d'Italie. Et pour le moment, ben, c'est un extrait du disque Rock Progressivo Italiano, volume 1, Terra Incognita. La pièce n'est pas encore parue, sauf sur ce disque, que l'on pouvait trouver avec le livre du même titre, qui porte sur la scène italienne. Et je pense que la pièce va être disponible avec le disque de Ravensad, probablement d'ici peut-être 3, 4 ou 5 mois. Et c'est la pièce The Sadness of the Raven. Donc, ça ne sert à rien là, pour le moment. Elle est seulement disponible sur la compile de Terra Incognita, Rock Progressivo Italiano, volume 1. Et puis, ben, on avait amorcé avec Carsius The Fold. C'était la pièce Goodbye. Et comme je vous le disais au début, Terra Incognita a organisé un lancement, concert-lancement avec Carsius pour le 23 septembre au Centre d'art La Chapelle. Je vais vous expliquer un peu l'idée. C'est que pour la première fois, le groupe va. Ben en fait, avant. Souvent, les groupes jouent leur album intégral pour souligner le 25e anniversaire ou le 15e ou le 10e. Mais cette fois-ci, ben, pour souligner le lancement, le groupe va le présenter intégralement sur scène dans une première partie. Et après, une seconde partie, ben, ça sera consacré aux autres disques, aux 4 autres disques du groupe. Donc, un spectacle en 2 parties. Et. Je pense que ça va être assez intéressant d'avoir une version live, direct de même, après quelques semaines de parution. Donc, c'est le 23 septembre. Les billets sont en vente sur Billettech depuis aujourd'hui. Et ça devrait être le cas aussi, la billetterie du Centre d'art. Probablement lundi, écoutez, ou mardi ou plus tard. Donc, on vous tient au courant de toute façon. Mais vous allez en réentendre parler, assurément. On va faire un petit tour, cette fois-ci, du côté. Écoutez, je pense qu'il est américain, sauf erreur, Fernando Perdomo. Et c'est son premier disque solo, Out to Sea. On va écouter un premier extrait, peut-être un deuxième va venir aussi. Bon, on va commencer avec celui-là. Le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita, Bruno et Michel, jusqu'à minuit. We'll be right back. Thank you. Et ça nous venait des Pays-Bas, Unkh, je pense que c'est la bonne prononciation, UNKH, de l'album Inner Verse. On en parlait un peu, Bruno et moi, on cherchait peut-être un lien avec quelque chose. Et puis j'ai eu comme un petit flash en marchant. Il y a peut-être Riverside, Bruno. Peut-être, tu sais, le côté hypnotique, là, c'est peut-être ça qui fait qu'on... On cherchait, puis finalement, c'est peut-être ça le lien qu'on cherchait. Et ça vient de paraître, je pense. Enfin, là, je présume que je m'avance des fois parce que elle me mélange dans toutes les dates. Mais ça, je pense que c'est paru. Donc, Unkh Inner Verse. On avait avant un groupe italien, Aliente, de l'album Formé Libéré. C'était la pièce San Gregorio. Et on avait donné le coup d'envoi avec Fernando Perdomo de son disque solo, son premier disque solo, Out to Sea. Un guitariste qui a joué avec Sound of Contact, aussi le Dave Kirshner Band, c'est son premier disque solo. Et puis, sauf erreur, ça ne sera sûrement pas son dernier. Le temps de vous rappeler, parce que là, on est presque rendu à 11h. Il nous reste une heure, puis inquiétez-vous pas, il y a encore plein de bonnes choses à écouter. Le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita jusqu'à minuit avec Bruno et Michel. Et puis, au retour de la pause publicitaire, une nouveauté italienne, Not a Good Sign, de l'album le plus récent, Ice Bound. 89.1 Québec. Le Palais Montcalm Maison de la Musique vous offre le meilleur du jazz fusion avec Snarky Puppy. Pour ce collectif aussi éclectique qu'explosif, chaque concert est un projet différent. Le fondateur et bassiste Michael League, entouré d'une dizaine de musiciens, vous réserve une soirée unique lors de leur prochain passage à Québec. Le 27 juin, vivez la musique à son meilleur avec Snarky Puppy. Détails au palaismontcalm.ca. Dream.

How it is to be alone. strange falls in my head. Things I'll never Sta la scelta se volere. questo destino che mai ci racconta la fine. Il cielo si ferma e ci ispira, è lui il nostro confessore, lui l'occhio indiscreto delle nostre notti, ci osserva senza intervenire. Yeah. fades to sun. His life became too hard for me to explain. It seemed that I was strong enough to remain. But I was just too weak to make that change. Oh, he I've had to understand that I cannot hide. I've had to torture myself and swallow my pride. I've only got myself to blame as I hear chime. 89.1 Audio-Vidéo DG en opération depuis plus de 30 ans. Le plus grand détaillant de vente DVD et Blu-ray au Québec. Un inventaire de plus de 200 000 films. Des films de tout genre. Des films d'auteur aux films d'horreur. Des films anciens aux films récents. Des films européens aux films asiatiques. Des films québécois aux films d'enfants. Et des films classiques. Des films rares, surtout ceux que vous cherchez depuis longtemps. Audio-Vidéo DG, 194 Avenue Saint-Sacrement, 418-681-5088, audiovideodg.ca. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Et dernière demi-heure, nous. En fait, même dernier 25 minutes. Mais avant, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Ce qui est le plus récent, ben, c'était Anubis, formation australienne, qui nous arrive avec un disque un peu sur le principe Unplug. Ils ont revisité plusieurs pièces de leurs albums pour les offrir dans leur plus simple appareil. Donc, le disque a pour titre Different Stories, et c'était la pièce titre de l'album Hitchhiking to Byzantium. On avait des Italiens tout juste avant, Elementi, Una Questione di Principio, premier album pour ce jeune groupe italien. On avait aussi Yesterday Night, The False Awakening. Ça nous vient de la Pologne. School Tree, ça c'est américain, tout près du... En fait, c'est dans le Mass, je pense, un groupe qui est de la Nouvelle-Angleterre. Un album double qui a pour titre Hétéro. Topia. Et on avait donné le coup d'envoi avec des Italiens, Not a Good Sign. Assez difficile à trouver. En fait, si vous voulez l'avoir en CD, il faut être prêt à débourser 40-45$ parce que le groupe a décidé d'en imprimer seulement 500 et puis de les vendre le gros prix. Donc, si ça prend des gens qui sont vraiment fans pour se procurer le disque et il est distribué uniquement par le groupe. Il n'y a aucun autre moyen. Je pense qu'ils ont pris comme décision, eux, qu'ils étaient pour maximiser leur pressage. Et c'est seulement 500 exemplaires pour le monde. Donc, je pense qu'ils vont relever leur défi là, de vendre tout à un prix assez... Enfin, je ne dirais pas exorbitant, mais un prix qui fait réfléchir, mettons. Donc, c'était Not a Good Sign, Eyes Bound. On va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne cette fois-ci avec, là j'espère que je le prononce comme il faut, mais en regardant sur certains sites, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut dire. Fock, F-U-C-H-S en allemand, c'est le claviériste qui était derrière les projets de la chanteuse Inès dans les années 90, peut-être ça va vous rappeler quelque chose. Il y a quelques disques solo et celui-ci, ben, il vient tout juste de sortir, c'est Station Songs, et on va écouter la pièce The Invisible Man. Le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit, et évidemment c'est KRL 89.1. They don't know about me. I pick someone in the crowd. stories with a difference I continue to tell. She is wearing headphones and I'm watching cautiously. I'll play in a public cell. For you I am the invisible man, watching people come and go, day after day, whenever I can. All around me people, I let my look wander, people rushing everywhere. I try to take a look behind the different scenes. This is a performance presented with a difference. Stories people carry in their jeans. For you I am the invisible man, watching people come and go, day after day, whenever I can. Like ripples drift apart, again and again my dreams depart. I've lost all my will to battle on. You think I'm broken, I am mean. All the shades of gray in between, from black like coal to white like a swan. I ask them a question, I don't need them to reply. All these tons of weight of information for me, too heavy for a Superman, too minor for a prophet. A miracle it can be for me. For you I am the invisible man, watching people come and go, day after day, whenever I can. Memories like ripples drift apart, again and again my dreams depart. I've lost all my will to battle on. You think I'm broken, I am mean. All the shades of gray we'll be right back. 12 o'clock. that they can be seen. Writing letters of protest to say how they think things should be. Is it right, they declare, with an air of superiority? Put it right, they demand, with an air of complete authority. We'll soon watch while the world catches fire. We'll watch it sink deep down in the mire. Then when it's done, we'll say, so they can be seen. Writing letters of protest to say how they think things should be about you and me and how things should be. Writing people in black. Don't look back. Donner un petit un clin d'œil à Stéphane qui s'en vient pour l'autoroute. On conclut l'émission ce soir avec un groupe des années 70, en fait, peut-être un, je dirais, inconnu, qui s'appelle Still Life. Le groupe a un seul album à sa feuille de route qui a pour titre Still Life. C'est paru en 1971. Je pense qu'il y a certains ont peut-être remarqué comme moi que le chanteur a une voix assez près de Peter Hamill. Bruno, il me dit non, mais il me semble que je ne suis pas dans les patates. Ça sonne un peu Hamill. Et puis, bon, on avait, tout juste avant, on avait ouvert le dernier bloc musical avec Fuck, F-U-C-H-S. Je le précise, un Allemand de l'album Station Songs. Et c'est déjà tout. Je vous invite à rester des notes. Stéphane se pointe avec l'autoroute dans quelques instants. Et puis, je vous invite aussi à visiter notre page Facebook. Il y a toujours plein de nouvelles. Et puis, on retrouve aussi tout le menu de toutes nos émissions. Donc, oui, Bruno, fais signe que c'est le temps. Et revenez-nous la semaine prochaine. C'était Michel et Bruno. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Messieurs, je vous présente la reine Elisabeth, votre reine légitime. Vous tous qui êtes venus en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposés à la reconnaître? 89. Elisabeth II. ckrl.qc.ca. Et couronnée. On jase, ton père pis moi.